Bonsoir, chers amateurs de rock progressif, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. En ce 25 mai 2013, cette soirée pluvieuse et froide, vous êtes probablement assis confortablement à écouter votre émission préférée de rock progressif de la semaine. Et on a débuté ce soir, c'est un choix musical de Bruno ce soir, et c'est Bruno Côté à la mise en onde aussi, et également Marc Chaunet avec vous. Pour 2 heures de bon rock progressif d'aujourd'hui, bonne musique qui renoue avec le passé et qui amène plein de nouvelles dimensions aujourd'hui. Alors, c'était le groupe Nexus qui a débuté, tiré de leur plus récent album, Hair, et c'était la pièce Espejismo. Et on va poursuivre avec Il Castello di Atlante, qui est un groupe italien qu'on adore, et je pense que les gens qui étaient à la convention Terra Incognita la semaine dernière, dimanche dernier, ont dû penser comme moi. C'est un excellent groupe, on a eu une super prestation, dont la pièce qu'on va faire jouer dans quelques instants, et il y avait également toutes les formations qui étaient là, qui nous ont donné un spectacle incroyable. Fido, RPVL, The Flower Kings, il y a le T-Club et Edo. Alors tous ces groupes ont fait une super convention. Merci encore à Michel de nous organiser cet événement à chaque année. C'était la 9e convention, donc Terra Incognita, et ça a été déjà annoncé qu'il y en aura une 10e, donc rendez-vous l'année prochaine avec plein de surprises. J'ai bien hâte. Donc on va y aller en musique avec Il Castello di Atlante, tiré de Quintessenza, qui est leur avant-dernier album, la pièce Non Puoi Fingere, et on poursuivra ça avec Elf Project, tiré de Mirage, et la pièce Serene. Alors tout de suite en musique, Il Castello di Atlante. Thank you. siamo corri per la tua strada. Pensi che non serve fingere per essere, a volte basta solo credere, lascia che il vero si plasmi anche dentro di te. Esploderà.

different towns, and I can walk round you, past you, through you, because you're only ghosts now. Yes, I can walk round you, past you, through you, because you're only ghosts now. Le groupe IQ, tiré de leur premier CD démo qui s'intitulait 77 Stories into 98, qui était paru en 81 et ça a été réenregistré en 98, donc c'est un enregistrement de 98 de la pièce It All Stops Here. Et d'ailleurs, IQ, qui ont réalisé leur premier album officiel en 83, Tales from the Lush Attic. Et cet album-là a été refait en 2013, réenregistré, donc il y a une nouvelle édition qui est parue en CD. On y va donc en musique, et toujours un choix musical de Bruno, ce soir, avec Cast, le superbe album Originalis. C'est un album double et c'est très bon. C'est un groupe du Mexique et c'est la pièce Pulsar. Ensuite de ça, on se promène aux États-Unis avec le groupe District 97, qui ont fait paraître leur second album Trouble with Machines en 2012. Et on écoutera la pièce de Perfect Young Man. Alors on y va tout de suite en musique avec Cast et District 97. She came here alone and nobody knows she's here. She's so young, innocent, perfect every way. If I slip the plans, now I'm not thinking twice. No one will that, and I am the day she's gone. Ready the vault and make sure I'm prepared for the time when I can't resist no more. We'll find ways to make it worth my while. Nobody knows that I her parents have been asking for

sur les ondes de CKRL à l'émission Terra Incognita. C'était de la Finlande, Chinese Baird, et tiré de Shades of Tomorrow. C'est la guitare et l'œuvre de Timo Kyrki, qui donc c'est son premier album paru en 2010. C'était la pièce Shades of Tomorrow Part 1. C'est un excellent disque qui comporte 4 pièces et c'est vraiment excellent du début à la fin. Alors, on va poursuivre avec Frank Carducci, qui est un artiste. En fait, il est né en France, il a des origines européennes et il joue de ce temps-ci sur plein de projets, dont The Rome Project. Et il joue avec plein d'artistes. Il est un peu ami aussi avec Steve Hackett. Et donc, son premier album, Oddity. On va écouter la pièce « A Child's » de Frank Carducci. Et c'est Bruno et Marc. On y va tout de suite en musique, donc, avec Frank Carducci. Oui, allons-y. Thank you.

Bertolucci. C'est tiré de son premier disque, Oddity, son seul à ce jour, la pièce A Chairs. Et il y avait sur cette pièce John Hackett, le frère de Steve Hackett, à la flûte. Vous avez sûrement entendu la superbe section de flûte. Alors, oui, tantôt aussi, je voulais, on a fait jouer une courte pièce de Underground Generator, Grounding in Numbers, et je voulais vous parler de ça un peu. Il y aura des concerts bientôt en Europe, et ils vont jouer à chaque concert A Plague of Lighthouse Keepers, qui est le phase B de leur fameux album Pan Arts. Alors, c'est un défi que les gars se sont donné. Ils sont en trio maintenant. Alors, ce qu'on a entendu, c'était du plus récent album Grounding in Numbers, la pièce 5533. Et ben, c'est déjà tout. Hein. C'était Bruno Côté à la mise en onde et au choix musical. Marc Chaunet à l'animation en cette édition du 25 mai 2013 de Terra Incognita. On vous souhaite une bonne soirée. Restez à l'antenne. Il y a bientôt l'autoroute. Et Bruno fait le choix musical au début de l'autoroute jusqu'à ce que Stéphane vienne nous rejoindre. Alors, bonne soirée. À bientôt. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Hi. Ceci est un message d'alerte pandémique. Veuillez rester calme, condamnez vos portes et vos fenêtres et n'ouvrez à personne sous aucun prétexte. Les détails de la catastrophe vous seront communiqués le 28 mai 20h à Premier Acte. L'Homme qui a vu l'ours et CKRL présentent, dans le cadre des chantiers, la lecture publique de « Encore une histoire de zombies, puis ça se passe ici » de Maxime Perron, le 28 mai 20h à Premier Acte, dans une mise en scène d'Olivier Lépine avec Marjorie Audet, Gabriel Fournier et Maxime Perron. Informez-vous sur carrefourtheatre.qc.ca/chantier. I think he always knew he would, and... You know, he was kind of like a guy who I always think of somebody who's on a train, and you know, and you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from The Doors. And you are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night. City of night. Ben voyons, le monde est donc ben cheap. Pourtant, d'habitude, un samedi soir, on fait pas de...